En cette période de l'année, vous pensez certainement à vos REER et il est très important de préparer votre retraite. Cette année pour vos REER, contactez Monsieur Jacqueline Doucet, conseiller en sécurité financière, planificateur financier auprès du service financier Jacqueline Doucet et représentant en épargne collective rattaché à Mika Capital, dont les bureaux sont situés au 1230 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini. Les placements, c'est du sérieux. Vous devez toujours faire affaire avec les gens qui connaissent le milieu et qui sont des spécialistes dans le domaine. Monsieur Jacqueline Doucet vous donnera de judicieux conseils pour que vous profitiez de bons placements. N'attendez pas à la dernière minute. Contactez M. Jacqueline Doucet au 418-276-6170. 276-6170. On va parler avec notre ami Stéphane Labour. On va parler avec Marc Fortier, mais Marc est en voyage à Phoenix. Mais on va parler avec Stéphane. Salut, Steph! Salut, Danny. Stéphane, la date limite des échanges, comment tu as vu ça? Évidemment, la grosse transaction, c'est Jean-Gabriel Pageau. Moi, je suis un petit peu... avant de parler du Canadien, on va parler de cet échange-là. Avec le nombre de jeunes qu'il y a à Ottawa, est-ce que c'est une bonne chose de laisser aller Jean-Gabriel Pageau? Ben, je pense que sa valeur a pris beaucoup de valeur cette année, Danny. Puis, je pense dans la reconstruction des Sénateurs... Oui, c'est bon d'avoir des bons vétérans qui entourent nos jeunes. Il aurait pu jouer justement ce rôle-là, mais il aurait été très coûteux, je pense, pour retenir ses services à Ottawa dans la reconstruction. C'est un petit peu, si on veut, là, on se pose beaucoup la question avec Montréal, ça serait quoi de garder des chez Weber pendant cette reconstruction-là? Puis je pense que Pagé, c'est un petit peu dans cette situation-là, dans le fond, que peut-être qu'on va sauver de l'argent sur le plafond salarial, puis on va laisser de la place aux jeunes de prendre plus d'importance sur la patinoire. OK, mais moi, je suis un petit peu déçu, parce que ça en prend un peu, tu sais, quand même. Puis, parce que les sénateurs, on m'a dit, en affaire, rajoute un Alexis Lafrenière. Mettons Alexis Lafrenière, il gagne la loterie. Oui. Puis, tu as 5 joueurs à Belleville qui sont, qui sont très, très. Ils sont étiquetés Ligue nationale. Ils seront pas loin des séries l'année prochaine. Ben, ils peuvent progresser rapidement. Ouais. On le voit là comme d'autres organisations qui se retournent quand même assez rapidement. Ils peuvent être dans le bas du classement une année puis lutter pour une place dans les séries. Faut le souhaiter, mais je répète là, l'échange de Pageau, on libère de la masse salariale. On va chercher un potentiel choix de première ronde et de deuxième ronde intéressant. Et moi, je pense pas que c'est une mauvaise transaction, honnêtement. Dans le contexte actuel des sénateurs, on voit ce qui se passe avec New York Rangers cette année, qui, eux aussi, là, ont une belle relance. Peut-être ajouter éventuellement un joueur plus tard, peut-être dans 2 ans. Mais pour le moment, moi, c'est une transaction qui me déplaît pas, Danny. Canadien. Canadien, ben il fallait s'attendre à ça. Hein? Il fallait s'attendre à quelque part à ces mouvements-là. Moi, je m'attendais que c'est mieux fait que prévu. Je m'attendais que ça allait être Nate Thompson qui allait seulement partir. Puis là, t'as Nick Cousin puis t'as, qui est parti également. Mathieu Pekka. Écoute, là, c'est des échanges éliminables. Oui, exactement. C'est un petit ménage de printemps. Rien de majeur, rien d'éclatant. Mais je pense que Marc Bergevin est un petit peu monoté aussi. Là. On parlait des grosses valeurs, c'était qui chez le Canadien de disponible. Petri, Domi, Tatar, c'est bien beau échanger ces joueurs-là, mais on les remplace par qui à court terme? Il faut quand même continuer à compétitionner, avoir un visage respectable dans le marché montréalais. Ouais. Peut-être qu'il y a eu des discussions, peut-être que Marc Bergevin était gourmand, justement, là, que vaut un Tatar suite à la transaction de Gabriel Pageau? Est-ce que les équipes étaient prêtes à payer autant, sinon plus, pour Tatar? Je suis pas certain de ça. Mais le Canadien qui renfloue sa banque de repêchage. Est-ce que j'ai une question que je voulais poser à Sacha, puis je l'ai quand même oublié. Stéphane, m'a posé pareil. Ça donne quoi là d'avoir 12-13 Ottawa en a 14? À quelque part, là, ils joueront pas tous à Montréal. C'est sûr que les gens vont me dire, oui, puis Snake, que je vais y parler ça, en fait, cette semaine, il va me dire, plus il y a des choix de repêchage, plus il y a des chances de frapper un coup de circuit. Mais c'est-tu mieux d'avoir un peu moins en 2020 puis d'avoir un peu plus en 2021-2022? Comment tu vois ça? Ben, ça dépend. Pour moi, là, c'est des atouts qu'on a. Ouais. Et puis, c'est comme lorsqu'on joue aux cartes, c'est d'avoir plusieurs cartes. dans nos mains. Mais encore là, il faut savoir quoi faire avec ces cartes-là. Est-ce qu'on peut maximiser, tu sais, si on part dans le passé, qu'est-ce qu'on a payé pour avoir un Dano dans l'alignement du Canadien? On a payé un choix de deuxième ronde. Donc, si on peut le monnayer, ce deuxième choix-là, ça ne veut pas dire qu'ils vont tous servir au repêchage, mais si on peut monnayer pour un joueur qui peut-être une autre équipe au repêchage va vouloir se débarrasser parce qu'il coûte trop cher, ça pourrait être une monnaie intéressante. Mais je reviens à ce que j'ai dit. C'est bien beau avoir plusieurs choix. Est-ce que c'est encore Trevor Timmins qui a le mandat de repêcher ces joueurs-là? Sinon, ben Marc Bergevin se doit de se servir de cette monnaie d'échange-là pour améliorer son sort. Et Dieu sait là, qu'il en a besoin de monnaie d'échange parce qu'il y a beaucoup de besoins chez le Canadien. Ben, j'ai hâte de voir ce qui va arriver parce que m'a dit une affaire. Je peux pas croire mais que Jeff Molson va il n'y aura pas de changement à la fin de l'année. Écoute, j'en ai parlé souvent. Le Canadien ne fait pas les séries une ronde en 5 ans. T'sais, une ronde en 5 ans. Et Laval, ça va être une ronde en 8 ans, puisque ça va être très difficile de faire les séries également s'il ne faut pas les séries. Money, là, c'est assez, là. Je sais pas, là. Mais faudra voir, mais encore là, ces changements-là, tant que si longtemps que l'organisation du Canadien, possiblement, ne sera pas affectée financièrement, si on congédie Bergevin et Julien, ça va être beaucoup d'argent à payer pendant les 2-3 prochaines années pour assumer ces contrats-là, plus les contrats des nouveaux dirigeants qui vont venir faire le remplacement. Écoute, ça reste à voir à quel point le mécontentement... Moi, je vois pas de panique encore où il y a de la déception. Il y en a qui dénoncent les résultats que tu viens de dénumérer, là, le manque des playoffs dans les dernières années. Mais je sens pas chez les partisans une grosse panique, un gros mécontentement. Je pense que le message d'espoir qu'on s'en va sur la bonne voie fonctionne toujours. Et puis les gens ils semblent vouloir ou désireux d'être patients pour voir si vraiment tous ces jeunes espoirs-là vont finalement apporter quelque chose à l'organisation. Ouais. Moi, je ne suis pas du côté des gens optimistes encore une fois. Mais regardez, nous maintenant, Danny, on commente le hockey. J'aimerais ça voir des choses beaucoup plus importantes. Puis même dans les échanges aujourd'hui, là, puis d'hier entre Kovalchuk puis Nate Thompson, on s'entend que même Nate Thompson, il a dit peut-être que je vais considérer revenir à Montréal. Et Kovalchuk, il a dit la même affaire. Fait que c'est comme si Bergevin avait dit, ben regardez, on fera pas les séries, on vous donne une chance d'aller peut-être remporter la Coupe Stanley. Puis on se reparle au cours de l'été pour peut-être retourner avec nous, comme ça avait été le cas avec Thomas Plekanec lorsqu'il avait été échangé avec les Maple Leafs de Toronto. Donc, le plan de Marc Bergevin, c'est pas clair, c'est un peu brouillon. Est-ce qu'on va revoir Kovalchuk? Est-ce qu'on va revoir Nate Thompson? Ou on va vraiment relancer l'équipe avec des jeunes puis on va être vraiment patient? Parce que regarde, les sénateurs d'Ottawa m'ont dit une affaire. Les sénateurs, il est clair, le plan. C'est compartiment Ottawa, il est très, très clair, là. Ben exactement, puis on voit là aussi que Détroit, ça commence à être plus clair, puis on veut faire le ménage, on veut repartir à la base. Puis ce qu'on n'a jamais fait à Montréal, ce qu'on n'a jamais voulu Canadien, faire. C'est comme si on est toujours pris entre le fait de vouloir offrir quelque chose de compétitif à ses partisans et de vouloir reconstruire, puis on dirait en agissant entre les deux comme ça, ça donne pas beaucoup de résultats, puis moi, je vois pas un avenir beaucoup plus prometteuse aujourd'hui qu'elle l'était là, v'là un an. Non. Puis peut-être même pire, Ryan Pelling, v'là un an, on le voyait comme un joueur. Là. Ryan Pelling semble avoir régressé. Kotkaniemi semble avoir régressé aussi. C'est pour ça, les espoirs du Canadien, c'est quoi, il faudrait déterminer c'est quoi un espoir. Est-ce que c'est un joueur qui va être capable de jouer quelques matchs dans la Ligue nationale puis un rôle correct, ou ça va être des joueurs d'impact? Et c'est tout là la question. Les Canadiens compétitionnent cette année, c'est une drôle de saison. Là, si on analyse ça, on perd 4 fois contre Détroit, on bat 2 fois les champions de la Coupe Stanley, on vient de battre Washington. On est capable de compétitionner, mais sur le long terme, est-ce qu'on bâtit cette équipe-là sur des bases solides? J'en doute beaucoup. Effectivement. Steph, gros merci. Hey, en terminant, je voulais te remercier, mais il me reste 2 points que je suis en train d'oublier. Alexander Ovechkin, pour toi, c'est-tu le meilleur franc-tireur de l'histoire de la Ligue nationale? Ben, parmi les meilleurs francs-tireurs. Ouais. T'es obligé de le mettre dans les catégories des grands. Libertor, dans l'hockey d'aujourd'hui, ouais, on s'entend que c'est encore plus difficile de marquer des buts avec la grande qualité des gardiens de but. C'est difficile de comparer les époques, mais Bossy, Mario Lemieux, Wayne Gretzky, je pense qu'au niveau de buteur, je le place très haut dans la liste. Si j'avais à choisir vraiment là, de compteur naturel, ben je pense que Ovechkin puis Mike Bossy, là, on pourrait avoir un bon débat. Avant Breton, c'est-tu un scoreur? Breton, c'est un excellent scoreur aussi, marqueur de but. Mais Breton, c'était un pur buteur. Un petit peu comme Mike Bossy, un petit peu comme Ovechkin, alors que Gretzky puis Lemieux, c'était des joueurs complets totalement, aussi bons buteurs que passeurs. Ouais. Mais pour vraiment définir un franc tireur, dans le hockey d'aujourd'hui, ce que Ovechkin fait là, avec la qualité des gardiens de but, je pense qu'il y aurait un léger avantage sur Bossy et sur Breton. Okay. Steph, un gros merci, on s'en reparle bientôt. Ça fait plaisir, Daniel, à bientôt. Stéphane Lebeau.